Chapitre 5e. Monsieur Juste André était désormais un personnage très grave, qui ne se déridait guère. Malgré cela, les mamans le trouvaient fort bien, et les jeunes filles ne protestaient pas. Madame Brun s'était mise à le plaindre de tout son cœur au sujet de sa maison déserte et de son veuvage prématuré. À présent que Rose était morte, elle pouvait bien plaindre André, non de l'avoir perdu en particulier, mais d'être veuf en général. Mais ses doléances perpétuelles, que le jeune ingénieur se résignait à entendre à peu près comme on entend la nuit le vent siffler dans les cheminées, avait un but intéressé, vers lequel la bonne dame s'acheminait à pas lents mais sûrs. La plus jolie petite nièce qui se soit jamais vue arriva chez elle un jour, de Bretagne, toute naïve encore, toute ébobie de voir tant de gens et de choses nouvelles. Il fallait que Madame Brun eût en tête quelques projets machiavéliques, car pendant les 15 premiers jours, elle laissa casser à la mignonne fillette un nombre assez respectable de menus vaisselle, victime de ses étonnements parfois intempestifs. La maladresse de Brigitte avait quelque chose de gracieux et de comique, qui faisait rire tout le monde, sa tante elle-même, d'autant plus qu'elle ne s'exerçait que sur les objets de peu de valeur. « Viens donc dîner avec nous demain, » dit un jour Marcel à son ami André. « Tu verras Brigitte dans l'exercice de ses fonctions. C'est très drôle. Je me demande combien de temps cela amusera ma femme. » Mais en attendant, nous avons un élément gai dans la maison qui nous manquait joliment. André accepta. À son entrée, il aperçut une petite frimousse rose, hâlée à demi cachée sous des cheveux noirs rebelles, qui frisaient malgré tout, avec un entêtement vraiment breton. Le corps fluet qui portait cette tête originale se déroba derrière une porte, d'où de grands yeux noirs apparurent l'instant d'après pleins de curiosité et d'admiration. C'est sans façon, monsieur André, dit Madame Brun en se rengorgeant. Je vous ai invité parce que vous êtes un gentil jeune homme bien élevé, et que lorsqu'on vous sert à dîner quelque chose que vous n'aimez pas, vous le mangez tout de même, par politesse, au lieu de faire comme d'autres qui se plaignent de tout et laissent sur leur assiette les meilleurs morceaux. Voilà bien ma femme, fit Marcel en riant. Depuis quelque temps, elle m'a donné une dyspepsie, à force de me faire trop bien manger, et j'ai un peu perdu mon bel appétit. On dirait que c'est une injure personnelle. Mais naturellement, puisque c'est moi qui fais la cuisine, dit naïvement la fidèle épouse de Marcel. Vous savez, monsieur André, les bonnes, je n'ai jamais pu m'y faire. Il y a des personnes qui disent que c'est ma faute et que j'ai un drôle de caractère. Eh bien, tel qu'il est, j'aime encore mieux le mien que le leur. Parbleu, fit Marcel en riant. Et l'on se passe très bien, de bonnes. Brigitte et moi, nous nous entendons à merveille, d'ailleurs. Sauf qu'elle castre d'assiettes, fit remarquer Brun. Elle n'en cassera jamais pour l'argent des gages que je paierai à une bonne, fit remarquer sa femme avec quelque vivacité. Et Brigitte est si gentille, si amusante, si bonne enfant. Vous la verrez, monsieur André. Et puis, avec cela, bonne cuisinière, ce qui n'est pas à dédaigner. Voyez-vous, sa mère, qui est ma sœur, l'a élevée pour en faire une fameuse femme de ménage. Elle sait laver, repasser, tricoter, coudre, et elle fait des petits plats sans lécher les doigts. Il n'y a encore que ça. Les demoiselles, c'est très bien pour se promener à son bras le dimanche. Mais en semaine, mieux vaut une ménagère. Brigitte, viens donc. Qu'est-ce que tu attends ? Les grands yeux noirs apparurent, cachés sous les cheveux que la fillette releva d'un coup de main léger, et Brigitte déboucha une petite révérence très gauche et très agréable en même temps. « Peut-on se mettre à table ? » demanda Madame Brun d'un ton majestueux. « Oui, ma tante, » répondit Brigitte. « Eh bien, allons. Passez, passez, monsieur André. Ici, on n'offre pas le bras aux dames, et d'ailleurs, je vais donner un coup d'œil à la cuisine. Eh ! » fit Brun en déployant sa serviette avec un clignement d'yeux significatif à l'adresse d'André. « Très joli, » répondit celui-ci, « et très original. » Les deux femmes rentrèrent au même moment et le repas commença. La mélancolie du jeune ingénieur ne put tenir longtemps rigueur à la cordialité de ses amis. La rondeur de Madame Brun, la bonne volonté souriante de Marcel, vainquirent les sentiments moroses qui remplissaient son esprit, si bien qu'au bout d'une heure, il riait avec eux des moindres choses. Tout à coup, Brun, s'adressant à sa nièce, écria « Brigitte, mais il me semble que tu n'as rien cassé aujourd'hui. »« C'est parce que je fais attention, » répondit la petite sauvage qui rougit, s'empara du premier objet venu et s'engouffra dans la cuisine. « Cela, c'est en ton honneur, » dit Brun à son ami, qui sourit avec bonté. Il revint souvent, sous prétexte que sa nièce lui épargnait la plus grande partie des travaux domestiques. Madame Brun, autrefois si avare de ses invitations, ne pouvait se rassasier de voir l'ingénieur à sa table. Les repas solitaires étaient pour André le moment pénible de la journée. Il accepta donc, et témoigna pour cela même plus de sympathie affectueuse à la maîtresse de maison qui se donnait tant de mal pour lui être agréable. Brigitte finit par s'apprivoiser. D'abord timide et farouche comme un oiseau pris au piège, elle écoutait maintenant la conversation des amis avec ses grands yeux intelligents qui semblaient les dévorer aussi bien qu'avec ses petites oreilles. Elle devient fort gentille, notre Brigitte, fit observer un jour sa tante. Elle fera une petite demoiselle accomplie aussi bien qu'une autre. Casse-t-elle toujours la vaisselle ? Demanda André, se souvenant des premiers débuts de la jeune fille dans la vie. Madame Brun se mit à rire d'un air malin. Figurez-vous que depuis que vous êtes venu dîner chez nous pour la première fois, c'est à peine si on peut lui reprocher deux ou trois verres et autant de tasses de café. C'est un tel progrès que nous avons peine à y croire. André sourit. Brigitte l'amusait, comme un jeune animal en train de s'apprivoiser. Soudain, sa pensée se reporta sur Marguerite. Elle était un peu pâle la dernière fois qu'il l'avait vue. Pourquoi ? Il se laissa entraîner au cours d'une méditation mélancolique, si bien que la gaieté de ses hôtes lui devenant à charge, il prit congé bientôt et s'en alla. « As-tu remarqué ? » fit Madame Brun à son mari, « comme il est devenu triste tout à coup. Qu'est-ce qui a bien pu le prendre ?» Marcel hocha la tête. « Veux-tu savoir le fond de ma pensée, Hermine ? » ?»« Eh bien, il ne pense pas du tout à Brigitte. Il ne la voit même pas. Cet homme-là ne se consolera jamais de la perte de Rose. »« Toi non plus, peut-être ? » risqua vertement son épouse. « Voyez la belle perte, vraiment. Si je le croyais, c'est moi qui ne prendrais pas la peine de l'inviter à dîner deux fois par semaine. Avec ça que Brigitte ne serait pas une gentille petite femme pour lui ? Ça lui vaudrait mieux que de manger la cuisine que lui fait cette espèce de bonne que les Langlois ont fourrée chez lui. À propos, tu ne m'as jamais dit pourquoi la vieille pigrièche que sa femme avait amenée avec elle n'a pas voulu rester avec lui pour le servir ? Est-ce que je le sais ? » fit Marcel avec un peu d'humeur. « Elle s'ennuyait, cette femme. » Et tu conviendras que cela ne manque pas de vraisemblance. C'est égal. » Grommela Madame Brun, soudain devenue rébarbative à la pensée qu'André pourrait bien ne pas épouser sa nièce, après tout. « Il y a un mystère là-dessous. Il faudra bien que cela s'éclaircisse un jour ou l'autre. »